À l'occasion du premier anniversaire de la promotion du maréchal Kim Jong-un au poste de président du Comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée, la maison d'édition Format de Nakhodka Russie a fait paraître en brochure son œuvre classique « La cause du parti des éminents camarades Kim Il-sung et Kim Jong-il triomphera à coup sûr ».